Du rap et des services de police. J'ai mes défauts et mes torts, mais je peux pas dire je suis souris. Devant ma lire de billets, tu me verras faire des sourires. Une overdose, un bad trip, et tu tombes dans la folie. Tu m'envoyais l'ascenseur, mais j'ai déjà pris l'escalier. Bonbonne de 10 et de 20 ont remplacé mes cahiers. Un peu maigrat comme faillite, c'est pas pour ça qu'on s'arrête. Tu me cherches au check, je suis pas là, je suis vers Galerie Lafayette. On sait qui sont les gangsters et on sait qui sont les saints. Je pourrais pas te niquer ta mère, tu risques de déposer plainte. Si je fais du son, c'est que je kiffe, je suis pas là pour plaire au tas. Y'a plus de produits dans le refou, on prend Yankee en otage. Je suis sous Ida avec Timal, au studio avec Paca. On fera toujours du sale, Marlo est encore au placard. Je serai toujours là pour ma fille, pas qu'elle finisse comme ses putes. À fond dans l'automatique, on a deux sorties sur le bitume. Je me suis fait péter, j'ai traîné dans le zoo, je suis devenu un bad boy. La 308 noire fait que me guetter, mais je vais pas rester là, faut bien que je touche le pacton. Même plus en promenade. Énervé comme petit bout, on a fait du sale sur terre. Je fais un petit trou, ils croient tout ce que je sais faire. Tu rêves de serrer cette dame dans les coins, je suis de Paris. Pour dire à Mégane, elle kiffe que les Ferrari. C'est quand y'a plus rien à faire, font semblant de vouloir m'aider. Faire que des jambes ouvertes depuis que je vends des CD. Laisse-moi faire du bénéf, faire du bénéf. Y'a que comme ça que je les baisse. Depuis le bac à sable, depuis le bac à sable, je redonne.